why. My one philosophic son treat dangerous. Yo. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire entre hommes, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire entre hommes, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Love, unity and harmony, my dream for humanity. Mais ils ne pensent qu'au bling bling, s'en foutent de faire des victimes. Ils veulent même des centimes, plus plus. Ils cherchent la richesse sublime. Ils se sont perdus, la bonne voie ils l'ont pas vue. Tu t'en approches, tu deviens conscient. Tu réalises qu'il y a du changement. La météo n'est plus comme avant, toi plus que Babylone, non why. Il y a de plus en plus de disciples de Satan. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Le malin te guette, te guette. C'est que tu vas faire le bête, bête. Regarde-toi, fais pas la force de tête. Aime ton prochain. Même s'il a des défauts, des amis j'en ai plein. Et je sais que j'en ai des défauts. Une main tendue, deux mains de plus pour l'humanité. La street est dangerous, trop veulent te la péter. On veut tous avancer, aide ton frère au lieu de le couler. La victoire n'est rien, si t'as personne pour te féliciter. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Et toi dans le rang pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Rentre dans la révolution, ne marche plus avec Babylone. Fais ton argent comme tu le sens, mais pas comme le gouvernement. Fais pas l'argent pour l'argent, mais pour vivre proprement. Mets le love dans ta tête, les gens faut que tu respectes. Sauf les beaux, les mythos, les bambos. Be on me pour vous bonio, hey. Mon mic et mon âme. En vrai pas d'outils à Babylone, en vrai pas grand. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire en homme, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Pose-toi un instant et réfléchis sur toi. Est-ce que quelqu'un pense à toi? Qui est important pour toi? Oh, ma vie est toujours là. Me donne la conscience d'un soldat. Les embrouilles bêtes pas pour moi. L'intelligence de rester maître de soi. Toujours au pétrole, y'a pas choix. Mais essayons d'éviter tout ça. Ne perdons pas de temps. La vie est trop courte. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire entre hommes, c'est pas pour maintenant. Pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé. Tout solidaire entre black man, ce serait un commencement. Tout solidaire entre hommes, c'est pas pour maintenant. Et toi donnerons pour la révolution de mentalité. Contre le malin, faut être soudé.